Je suis la chair, je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Pieds glissent, s'enfoncent dans la mousse de la grande dévoreuse. Elle est partout autour de nous. L'écorce des arbres ne nous est plus rugueuse depuis longtemps. Elle accompagne nos gestes. Séparée de son tronc, elle est notre berceau. On nous y longe. On nous y berce. Nous sommes conduits à mêler notre sève à la sienne. La grande dévoreuse absorbe nos années, nos âges, nos souvenirs et les mêle aux siens propres. Nous marchons sur cet épais duvet jonché des cadavres tombés au champ d'honneur, les plus âgés des grands arbres qui ornent le cœur de notre bois sont tombés dans la mousse épaisse où on peut s'allonger, rêver, dormir un peu, bien au chaud, au milieu de ces millions de petits bras. Ça chatouille parfois, il y a des petites bêtes qui nous courent dessus et qui viennent ronger nos peaux mortes et qui nous redonnent la vigueur et font ressurgir notre sève. Pareil à ce qu'elle était au jour meilleur. On peut errer en son sein, car elle nous protège des orages secs. Le ciel qui nous tombe dessus par la fureur de l'oiseau tonnerre sont les seuls à redouter. L'on J'ai eu peur. Jésus-Christ, il était comme un petit bout de viande, une bricole qui couine, qui remue, un embryon peut-être. Je n'aime pas ça, la viscère. Oui, je sais là-dedans, quand c'est rose, saignant et luisant, je l'aime pas. Parce que c'est pire que la mort. Au moins la mort de nos frères les arbres. C'est la promesse d'une renaissance. Longtemps après, plus tard, lorsque l'oiseau tonnerre aura fait tomber la foudre, la grande dévoreuse dévorera alors ses propres enfants. Et dans un grand brasier, tout disparaîtra pour ne laisser que les graines qui germeront et qui ensemenceront à nouveau le monde. Mais toujours nous aurons nos amis les arbres, les fiers tremblent, ceux qui nous cachent la nue, nous protègent des pluies jaunes, des pluies sombres. Les peupliers qui bruissent sans cesse de leurs feuilles et chantent à nos oreilles pour nous assurer que nous sommes parmi les nôtres. Épaisse, où les pieds sont caressés à chaque pas par ce duvet moelleux qui entoure les racines noueuses des épinettes noires. Là, nous pouvons vaquer avec nos amis. Les arbres, nos amis, les abeilles qui butinent l'ail des ours et nous donnent gentiment leur miel quand elles en ont trop. C'est bon le miel. Même les grosses noires qui piquent très fort, où on oublie tout. L'espace de la douleur, et bien celles-là, même celles-là sont nos amis, en fait. Il faut prendre garde où on met le pied, ne pas en écraser une par mégarde, prendre garde à nos amis les fourmis, et ne pas perdre la sente, ne pas nous éloigner du bosquet sacré, loin des épicéas. Mais avec mon copain, on a dû quitter la sente. Oui, on a dû quitter la sente. Et la grande dévoreuse ici est toute différente. Partout, la brume nous cache le ciel. On ne sait pas. On ne sait pas s'il y a un orage qui nous cache l'oiseau tonnerre. On ne sait pas si on va trouver sous nos pas non plus la mousse, mais les restes d'une voix déchue. On erre depuis un moment, mais on doit trouver notre arbre. Un arbre avec qui on échangera notre sève pour rejoindre à nouveau le cœur et le bosquet sacré. En marchant, en nous éloignant du cœur, nous éloignons de la ronde des anciens, là où tous les épicéas se dressent en cercle, entourés par les aigrettes noires, puis par les frêles bouleaux qui leur forment une couronne blanche sur la montagne. En nous éloignant du cœur de la ronde, je sais que nous marchons vers notre mort. Longtemps j'ai repoussé ce moment. Je sais que l'un de nous devra mourir. Et j'ai peur que ce soit mon ami. Mais je suis sûr qu'il pense la même chose, lui, au-dedans de lui. Dans son esprit mystérieux. Le fauchin, celui qui s'occupe de couper l'ail des ours quand elle est trop haute et que l'oiseau tonnerre pourrait lécher de ses flammes et emporter notre mère, lui qui, comme moi, n'est qu'un faucheux, un tocard, un sauvageon, un fétu porté par le vent, une petite graine qu'a semée la dévoreuse, dans l'espoir de voir repeupler son monde. Je suis sûr qu'il pense tout comme moi, que l'un de nous deux ne reviendra pas. C'est toujours étrange que de s'aventurer hors des sentes. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Puis les anciens, ils sont encore plus taiseux que mon copain mystérieux. Je sais que je sais tout ça parce que j'en ai rêvé longtemps. J'en ai rêvé quand je laissais les fourmis courir sur mon ventre, quand il faisait beau et clair, et que ce n'était pas saison morte, et qu'on pouvait batifoler entre deux rayons de miel libre. Mais là, nous devons aller mêler notre sève à un vieux saule acariâtre. Jacques. Attends-moi, mon copain, attends-moi. J'ai un caillou qui s'est glissé dans mon sabot, je crois. Et il y a des arêtes vives et coupantes. Regarde, je les ai trouvées. Le vieux, qui est pas un saule, le vieux qui nous a dit de rejoindre le Zac, eh ben, il m'a dit que autrefois, les nôtres, il y a très très très très très longtemps. Quand la dévoreuse n'était qu'une pousse, qu'elle n'avait pas encore toute sa sève, eh ben nos ancêtres y taillaient ces cailloux. Des bifaces. Et ils en faisaient des trucs formidables. Et que les plus doués d'entre eux, eh ben, ils pouvaient faire des objets prodigieux avec ça. Toi, qu'est-ce que tu sais faire de tes doigts? Dis-moi. Et j'entends ma main en te remettant le silex, et toi tu veux me dire tout est lié, mais moi je vrille mon regard dans le tien, car je veux que ce moment reste, parce que je suis convaincu qu'après tu vas mourir. Et on voit une lueur orange apparaître de ce qui est normalement ses yeux qu'on ne voit jamais. Mais pourquoi ses yeux sont dissimulés? On n'en sait rien. C'est un mystère. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait de formidable? Comme l'un de nos ancêtres, comme un de ceux qui couraient avant même que la forêt ne couvre la terre et la montagne. Et il ramassa notre caillou et commença à tailler commença à le tailler. Toi, tu savais tailler déjà? Pourtant, il m'a dit que c'était il y a très très longtemps, alors tu serais pas un sauvageon comme moi? Le crâne se retourne comme ça en le regardant. Fixement. Ah, tu verras mieux si tu retires ton casque. Et t'essayes de le soulever, mais tu vois que ça soulève son pouls. Et si tu deviens une bête, tu pourras pas devenir un ami du sol. Il faut que... Et je lui montre mes mains en lui montrant que je suis un humain et pas une bestiole. Faut reprendre notre route. Maintenant, on n'est plus... au milieu de notre mousse habituelle, on n'a plus notre duvet. Et je récupère le caillou et je continue de tailler en marchant. Et tu parviens à... à faire un biface. À façonner un biface? Oui. À ta convenance? Oui. Un truc assez tranchant pour découper. J'ai taillé un beau biface tranchant. Mais nous n'en avons pas l'usage. Si. J'espère pas. Si nous avions l'usage de ce biface, ça veut dire que nous aurions à trancher la viande et la chair. C'est exact. Moi, j'aime pas ça, la viande et les viscères. Moi, ça me fait peur, la viande et les viscères. C'est comme les histoires de Jésus-Christ, les errants, ils colportent quand ils passent au cœur de la dévoreuse. Qui te dit que ce sera de la viande et des viscères, et pas autre chose? C'est ce qu'on récolte, on dit les anciens, quand on marche sur la voie. Qui dit que ce sera pas pour faucher les ailes des ours? ici, il n'y a plus d'ail des ours qui tiennent. Et puis, on a quitté la chaleur du bois. Je frisquais, si j'avais pas ma casquette, j'aurais froid aux oreilles. Heureusement, j'ai pas froid aux yeux. Parce que je verrais plus rien si j'avais froid aux yeux. Pourtant, on ne voit jamais mes yeux. Mais je vois toujours. Je n'ai pas froid aux yeux. Je sais même pas si j'en ai. Tout au cas, t'en penses quoi? Ben moi, je suis en train de me dire que moi, ce qui me plaît le plus quand on est copains, c'est que le copain, quand on est triste, il nous chante une belle chanson. Et ça nous réjouit le cœur. Tu voudrais bien me chanter une chanson? Parce que moi, je suis un peu triste d'avoir quitté la dévoreuse. Et je me sens pas rassuré à marcher sur cette voie déchue, avec ce sol tout craquelé qui coupe. Notre monde est ruine. Submergé par la forêt, l'oubli ronge les mémoires, les souvenirs se dérobent, les horlas se tiennent tapis près de nous. Ça résout pas le cœur, ton histoire. C'est plutôt triste. Bon, une autre cache. Caché parmi les feuilles, l'érudition, est un légume malodorant qu'il faut faire bouillir et bouillir à nouveau avant de pouvoir le consommer. C'est tout ce que je connais. C'est toujours mieux que rien. Et on entend comme des bruits d'une radio vieille qui se met en route. Tu parles aux anciens, toi? Tu ne le savais pas? Tu l'as jamais fait devant moi. Et t'as pas peur de réveiller des choses sombres qui dorment? Je ne les réveille pas, puisque j'en suis une. Bah, t'es un sauvageon comme moi. Regarde bien mes yeux. Est-ce que tu les vois? Tu me fais peur quand tu me regardes comme ça. Tu le sais. J'ai l'impression que tu veux manger mon Est-ce que cœur. Tu vois une bouche? Je vois ta bouche qui s'agite sous ton casque, oui. Ah non, tu ne vois pas ma bouche. Regarde bien, tu comprendras. Je sais pas si je veux comprendre que tu serais pas un sauvageon, parce que moi je veux pas me balader avec un maltronf et me retrouver maltronf moi-même. Moi, je veux revenir au cœur de la dévoreuse. Et je sors d'un buisson une vieille radio pleine de lichen qui s'était mis en route depuis un moment. Tu connais des choses, toi? Je passe souvent par là. C'est pour ça que tu me vois pas la nuit. Tu marches aussi loin du cœur du bois. Et tu n'as pas peur d'épuiser ta sève? Non. En t'éloignant ainsi du cœur du bois? Non. Au-dedans, il fait bon. Tu vois, moi, j'ai même pas de... Comment ils disent? J'ai même pas de manteau. Moi, j'ai juste ma chemise, ma belle chemise, qu'on m'a tissé avec les orties, mon polasson, mes sabots, et avec ça, ça suffit à se protéger du froid. Mais là, ici, regarde, on est aux quatre vents et ça souffle. Il y a cette brume zone qui fout les pétoches. Tu vois, tu t'enrhumes. Ce n'est pas moi. Bon. C'est pas bon de rester ici. Je n'ai pas éternué. Ce n'est pas moi. Bah, moi, je t'ai entendu éternuer. Hein. Est-ce que moi, tu m'as vu bouger? Moi, je te dis, il faudrait que... faudrait que tu te mettes quelque chose autour du cou, que tu te protèses, que tu retires ce vieux masque parce que ça fait peur. Et puis, ça empêche de bien respirer les odeurs de ce qui reste du bois autour de nous, les grands frères qui restent là, les pupilliers qui sont en escorte à la lisière du bois. Ceux-là, on peut encore les voir, on peut les sentir. Regarde, leur tronc rugueux, ils nous laissent des choses sur les doigts. Je touche les arbres et hume leur odeur. Je touche à une branche d'un arbre et la branche tombe en cendres. Tu vois, ils ne sont pas en si bonne santé que ça. Pourquoi tu blesses les fils de la dévoreuse? Ce n'est pas de ma faute, il était trop vieux. Je voulais juste sentir comme toi. Il est tombé. Il n'est plus de ce monde. C'est bon, regarde, il y a un roset. Il renaîtra de ses cendres. Ça me rassure. Je ne voudrais pas qu'un ancien soit mort prématurément parce qu'on s'est trop éloigné du cœur et de la sève. On doit préserver la sève. On doit être toujours l'un pour les autres. Tout est lié. Nous formons la ronde. La ronde de l'oubli. Hein, mon ami? La ronde de l'oubli. La ronde de l'oubli. De l'oubli. Tout est lié. La ronde de l'oubli. Tout est lié. La ronde de l'oubli. Avec ces bruits, on va attirer le mauvais œil. L'oiseau tonnerre, il va nous repérer et il va jeter les flammes sur la vieille forêt. On va attirer le mauvais œil sur la sorcière. Il faudrait se débarrasser de ça. C'est des choses qui attirent le malheur. De quoi veux-tu te débarrasser? Bah, de ta vieille radio, là. C'est des choses mauvaises. C'est le temps d'avant. Le temps d'avant... Passe-la-moi. Prête-la-moi, s'il te plaît. Je la prends, je mets mon genou comme ça, et je frappe la radio sur mon genou, elle se brise en deux. T'es content? Ça me rassure, parce que c'est une chose mauvaise que cette chose-là. Et on voit une ancêtre, on voit la partie de l'enceinte bouger et se remettre à faire des bruits. Il faut l'écraser, il faut s'en débarrasser. J'étais dit, mon sabot, j'écrase le... Je réduis en miettes ce qui restait du haut-parleur. Et je prends la partie avec les boutons, j'appuie sur un bouton. Les miettes se mettent à bouger. Et commencent à se rapprocher. Et je rappuie sur un bouton, ils s'arrêtent. Et je repasse la partie avec les boutons. La partie qui restait, la radio. Tiens, comme ça, si tu veux faire du bruit. Tu en es le maître. Il faut convoquer la puissance de l'oiseau tonnerre pour éliminer cette sozonie qui nous rappelle les temps où les hommes ne furent pas des hommes pour les hommes. Ne t'inquiète pas. Où ils oublièrent la vraie foi. Où ils ignorèrent ce qu'ils étaient les uns pour les autres. Ils oublièrent la ronde qu'ils devaient former. Heureusement, on a toujours un peu d'amadou sur soi. À proximité, nos amis, les arbres nous en donnent. Prête-moi ton silex. Va chercher de l'herbe, de l'ail des ours, le faucin. J'en arrache et je lui donne. Je bats méthodiquement la pierre jusqu'à obtenir un trait de fumée, tout en surveillant du coin de l'œil ce monceau de pièces qui m'inquiète, pour enfin, avec un visible soulagement, les livrer aux flammes. Je récupère le bouclier enflammé et je l'ajoute aux pièces qui s'enflamment aussitôt. Qui fondent, qui forment un amas noirâtre, coagulent, forment une boule fumante qui dégage une odeur nauséabonde. On a conjuré le mauvais sort. Tous les deux, on a imposé le silence à ces choses d'autrefois qui nous menacent, lorgnent sur nos vies et menacent la renaissance de nos âmes. Notre cœur doit être pur lorsque nous mêlerons notre sève à celui du vieux saule. Je récupère la boule fumante et je la jette au loin. Je saute dessus à pieds joints avec mes sabots. Il faut s'assurer qu'elle ne propagera pas ces mauvaises ondes à la forêt. Il faut l'ensevelir dans la voie déçue. Je la reprends et je la touche. Elle disparaît d'un coup. Elle disparaît parce qu'on a pris le soin, pendant que tu étais en train de songer à tes idées morbides, toi le mystérieux, moi j'ai pris le temps de rassembler toutes les pièces, tous les morceaux de métal fondu qui ont formé une espèce de scorie solide, lourde. Et je l'ai introduite dans une infructuosité, un trou, une béance de la voie des déchus, pour qu'elle rejoigne la litière qui était la sienne. Vois mon copain le fauchin, tu vois j'ai trouvé ça, en ensevelissant la radio du temps au nid. Elle ne nous tourmentera plus. Elle ne viendra plus troubler nos âmes. Mais tu vois, prends, saisis-toi de cela. C'est une scorie du temps d'avant. Je ne comprends pas. Tu veux effacer les mémoires du temps d'avant et tu me donnes les mémoires du temps d'avant. Non, je te... Je ne suis pas une poubelle. Tu n'es pas une poubelle. Saisis-t'en, tu verras, tu comprendras la douleur qu'elle a imposée à l'homme. Ceci, c'est les fragments. Ceci est un os d'humain. Non, ça contient des milliers d'os humains. en puissance. C'est les fragments d'un obus qui est tombé ici il y a fort, fort longtemps. C'est l'un de ces obus qui s'est répandu et a peu rongé l'âme des hommes. Je le sais, c'est moi qui l'ai lancé. Mais tu ne peux pas l'avoir lancé, tu n'étais pas né alors. Tu n'en sais rien. Et je le range dans une poche de mon pantalon. Avec le silex. D'ailleurs. Tout au cas. Oui. Tu veux savoir mon histoire ? Je t'écoute. Au début, j'étais un enfant très turbulent. On me nommait Samaël le Turbulent. Mais marchons. Oui, on marche toutes en même temps de parler. Éloignons-nous de la voie déchue. Entrons à nouveau dans le bois. C'est ce que nous faisons. Allons jusqu'à la rive. Nous pourrons nous tenir près de l'eau. Quand j'étais encore turbulent, j'adorais aller voir mon ami. Ensuite, on faisait une balade dans le bois. Je me suis retourné 30 secondes parce que j'avais vu un animal passer. Je me suis retournée vers mon ami. Il était par terre, au sol, en train de hurler. Prends ce crâne d'animal, mets-le et oublie-moi. Depuis, je ne l'enlève plus. La seule fois où j'enlève, je m'assure que personne ne me voit. Et depuis, je reste mystérieux. Je te confie ce secret. Mais nous sommes arrivés. Regarde ces racines qui nous entourent. C'est le moment pour nous de mêler notre sève à l'ancien. Je prends le silex et je m'écorche. De mon silex, j'entame l'écorce. Sur la racine noueuse sur laquelle nous étions assis tous deux. C'est le temps de l'écoulement. Ce n'est pas le temps de la saison morte. C'est le temps du grand écoulement, lorsque les loirs quittent leur gîte et s'agitent dans les branches et viennent bruisser de concert avec les feuilles des trembles. Il y a devant nous un petit opossum qui s'avance. Sa petite fourrure grise s'agite alors qu'il furette avidement le sol à la recherche de sa pitance. Ne prêtons pas attention à nous. Car nous sommes de jeunes sauvageons errant dans le bois. Nous sommes le bois. Et j'enlève à moitié mon casque. On voit encore un visage à moitié écorché et brûlé. Sur le sillon que j'ai tracé de mon petit silex qui figure une tête étrange et blanche sur un fond ocre, une marque qui a été apposée il y a fort fort longtemps par l'un de nos ancêtres qui a passé un pacte avec la grande dévoreuse. Dans son sillon affleure la sève. Place la lèvre qui est sur d'où sourd ton sang. Et là je retire complètement le casque. On voit que mes yeux sont totalement noirs, comme les yeux sur le casque, et on voit une lueur orange briller. Et je lâche le casque. Tu n'as plus besoin de cela ? Non, je le lâche pas, je l'attache. Tu n'as plus besoin de cela désormais. Et tu vois mon visage, ça te fait peur ? Non, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Il faut que... Détends-toi. Laisse ton sang couler. On voit le... Se mêler à la sève. On voit le crâne de l'animal commencer à bouger. Tu échanges maintenant avec le vieil acariâtre, le vieux saule. Vous entremêlez vos racines, vous mêlez vos souvenirs et il chasse tes cauchemars. Une sève nouvelle va couler en toi. Une sève nouvelle qui va te donner le pouvoir de renaître dans le bois. On commence à voir la sève nouvelle venir. Et au bout d'un moment, on voit comme une sève orange, orange brillant, foncer sur la sève nouvelle, comme si elle s'entrechoquait. Elle se combattait. J'avais l'impression. Mais la sève coule en toi. Ton sang s'écoule, mais la sève entre en toi. Quel est ton souvenir d'été ? L'été existe au cœur de la dévoreuse. C'est un moment calme où on entend au loin gronder les orages secs, mais à la périphérie, au-dedans, tout est calme. Qu'est-ce que tu faisais, toi, l'été ? Je me baladais avec mon ami. Comment s'appelait ton ami ? Léo. On le surnommait Sacha car son nom premier. Parce que son vrai nom c'était Chacha, mais il a décidé qu'on l'appelle Léo. Il voulait effacer ses souvenirs de Chacha. Et il est devenu Léo. Et ensuite, il est devenu ce casque que j'ai toujours porté. Son honneur. Maintenant, ce casque reprend vie et Léo renaît. Et je remets le casque et Léo est parti loin dans la forêt. Et on voit le casque, le crâne fondre en larmes. C'est littéralement le crâne qui fond en larmes. C'est pas Samaël Fauchin qui fond en larmes. C'est vraiment le casque, le crâne de ce bouc. Et on voit une vache arriver, une vache poilue, et on voit sur sa corne une étiquette toute vieille avec marqué Marguerite. Non, pas crête, pardon.